chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Armée française, allez-vous-en, allez-vous-en de chez nous. Nous n'en voulons plus, nous n'en pouvons plus, et vous non plus.